Bonjour à tous et bienvenue dans Manche Disque, épisode 5. Je suis Mister Wiz et je suis accompagné une nouvelle fois par mon comparse Murdoch. Comment allez-vous, cher ami ? Bon, ça va très très bien, avec le printemps qui commence et tout. C'est vraiment une bonne période. Alors, aujourd'hui, il semble que la DeLorean se soit légèrement trompée d'aiguillage. On est passé dans un trou de verre parce que... En fait, on va parler de nos disques des années 90 dans cette émission. Voilà, une fois n'est pas coutume. C'est un petit côté poisson d'avril encore. C'est la queue de la comète. C'est ça, c'est la queue de la comète. Et concernant l'édito du mois, tu as eu une idée assez rigolote, donc je te laisse la présenter et démarrer les hostilités. Ah, donc l'idée rigolote, c'est de faire un petit peu un portrait chinois, de poser une question aux comparses et d'avoir un petit point de vue un petit peu sur les années 90. Donc je vais commencer par Monsieur Wiz, si tu étais... une chanson des années 90. J'ai décidé de la jouer romantique, en fait. Donc, la chanson que j'ai choisie, c'est They Don't Know des Gigolo Hounds de 1994, qui est une reprise d'une chanson de Kirsty MacColl de 1979. Je sais pas si tu connais la chanson. Je ne connais pas du tout. Ah bah voilà. Donc, je n'en dirai pas plus. Mais tu mettras le lien que je puisse aller me documenter. Un peu de culture ne fait pas de mal. Un peu de culture ne fait pas de mal. Voilà. Ça pour mon côté romantique. Et pour toi? Eh ben, je suis aussi très très romantique, puisque j'ai choisi Wonderwall d'Oasis. D'accord, oui, effectivement. C'est très, très langoureux et romantique aussi. Et ouais, c'est vraiment, à mon avis, très représentatif de cette époque. Alors, question numéro 2, si tu étais un chanteur. Une question très compliquée, puisqu'il y en a eu beaucoup, mais je me suis vraiment focalisé sur le côté chanteur. Et pour moi, c'est Jeff Buckley, parce que au niveau technique vocale, chanteur pur, c'est vraiment le chanteur qui m'a marqué dans cette période. Et de ton côté, Wiz? Celui qui me va le plus, en fait, c'est à peine une blague. J'ai marqué l'hologramme de Nat King Cole en 1992. Ouh. Sa fille a enregistré une chanson de son père en 92 en faux duo avec lui. Et je trouve que finalement, bah, c'est encore ce qui me correspond le mieux, parce que dans les années 90 déjà, je me sentais tellement dépassé par plein de choses et avec déjà un gros regard sur le rétroviseur et tout. Donc, d'une certaine manière, ça me convenait. Et sinon, alors si on voulait vraiment faire années 90, j'avais choisi Brad Roberts des Crash Test Dummies. Ah oui. Parce que j'aime beaucoup son côté un peu bougon, un peu pour son grognon. Et j'adore sa voix et j'aime beaucoup les Crash Test Dummies. Donc ouais, voilà. C'est pas mal. Et donc, on passe à la troisième question pour toi. Si tu étais un clip des années 90. Aucune incertitude, c'est Smells Like Nirvana de Weird Al Yankovic en 1992. D'accord. Parce que c'est n'importe quoi, parce que j'adore le côté parodique du monsieur depuis longtemps, et puis parce que c'est moi qui ai tué Kurt Cobain, donc voilà. C'est toi, coquin. Oui, oui, oui. Le lendemain de la mort du monsieur, j'avais un bon copain au lycée à l'époque qui était très fan de Nirvana et il savait que je ne pouvais pas supporter. Et le matin, il me voit, il me croise, il me fait « c'est toi en fait hein. ». Et je fais « bah ouais ». Voilà, c'est tout. Alors, toi dans un clip hein. Alors, moi dans un clip, ça m'est venu direct. C'est un clip que j'adore par un réalisateur que j'adore également. C'est Michel Gondry quand il a réalisé le Mia d'Ayam. Déjà, la chanson, moi je l'aime beaucoup. C'est dommage qu'elle soit vraiment, je dirais pas galvaudée, mais qu'elle passe beaucoup trop à la radio. Enfin, elle a saturé un peu les ondes. Mais le clip est vraiment super bien. J'adore Gondry et ce clip, il est vraiment top. Les Marseillais, c'est moyennement ma tasse de thé. Oui, moi je suis pas très rap non plus, mais pour le coup, celui-là... C'est top. D'accord. On passe à la question suivante. Si tu étais un héros de série télé des années 90. J'ai choisi un dessin animé, puisque c'est un héros de dessin animé. Justement, c'est un anti-héros de dessin animé. Il est jaune, il a pas de cheveux. C'est Homer Simpson, parce que ça a vraiment marqué mes années 90. Et tu t'identifies? Alors, je m'identifie surtout maintenant avec l'âge qui arrive, les cheveux qui tombent et le ventre qui pousse, ouais, surtout. Côte de porc, Marge. Côte de porc, exactement. Et donc, et toi, si tu étais un héros des séries télé des années 90? Oh bah ça va être très vite, c'est Parker Lewis, parce que Parker Lewis ne perd jamais. Exactement. Enfin, j'aimerais bien. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Et si tu étais un style musical typique des années 90? Alors, c'est l'acid jazz. Ah oui. Ça, c'est mon truc. C'est ce qui a fait pour moi que les années 90 valaient le coup d'être vécues. J'exagère à peine. Vraiment, ça a été la grosse révélation pour moi à l'époque. Et avec des artistes comme Incognito, Jamiroquai, Galliano, Corduroy, Brand New Heavies, des choses comme ça. Ouais. C'est vraiment un type de musique que j'ai adoré, que j'apprécie toujours beaucoup, beaucoup. Et alors, le tien serait... Alors le mien, je ne vais pas t'étonner en te disant que, évidemment, le grunge pour moi, c'est le style musical qui a marqué les années 90 pour moi, hein, parce que ça a été la découverte de beaucoup de groupes, de plein de choses. Ça a été un petit peu après l'occasion de retourner voir un petit peu ce qui se faisait dans le punk, donc oui. Et c'est surtout aussi le côté centré sur Seattle du mouvement qui m'a pas mal intrigué après coup. On va dire. Bon, je le sentais un peu venir. Hein. Je t'aurais dit la polkature que tu m'aurais cru. Vu certains de tes choix, si oui, vu ce pas, c'est fait. Vrai que vu ce qui va venir, effectivement. Il y en a un, on pourrait se poser la question. On pourrait se poser la question, voilà. Effectivement. Alors, si tu étais un film... Pareil, direct Usual Suspect, c'est vraiment un film que j'ai adoré regarder, que j'aime revoir et revoir et revoir. Le film est bien fait de A à Z et c'est vraiment, pour moi, un très très bon film à voir. Et de ton côté, quel film t'a marqué dans les années 90? C'est vraiment 1990 pétante, mm-hmm. C'est Pump Up the Volume. Avec Christian Slater. Exactement, mm-hmm. Parce que le mec qui fait tout sage quand il est dehors et qui dit des cochonneries derrière un micro, ça ne te rappelle rien. Si, c'est toi. Voilà. Et t'en as fait des choses dans les années 90, Wiz. Et j'aime énormément ce film, et d'une certaine manière, je vais pas dire que je me retrouve dans le personnage, mais un petit peu, j'aimerais m'y retrouver davantage, on va dire. Et si tu étais un dessin animé des années 90? Alors ça va être plus pour l'ambiance que pour le personnage, je vais dire Ian Flux. Ah oui, oui, oui, oui, je connaissais. Mon Nirvana, on va dire, en termes de DA des années 90, avec une immense simplicité, c'est aussi simple et aussi incompréhensible que moi. Et surtout que maintenant j'ai un peu l'impression de vivre dans le dessin animé vu comment tout se passe aujourd'hui, mais j'adore ce dessin animé. Ça passait sur MTV? Ça passait sur MTV dans Liquid TV. Liquid TV avec aussi Beavis et Butthead. Exactement. Et pour vous, quel serait le DA qui vous caractérise le plus? Les super nanas, parce que j'aime bien le graphisme des trois petites nénettes qui font des trucs un petit peu rigolos, c'est très très pop, c'est très girly, c'est vraiment un dessin animé que j'aime bien me replonger dedans. Moi, c'est l'esprit Cartoon Network, quoi. Et ça, j'avoue que j'aime bien aussi. Ouais. Alors, si tu étais un album des années 90? Pour moi, s'il y en a qu'un, c'est le Teenager of the Year de Frank Black, chanteur des Pixies. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris dans les chroniques, parce que sinon, on aurait dit, ouais, il parle toujours des mêmes groupes. Mais je l'ai pris en album des années 90 pour moi, parce que c'est 22 titres, la galette, elle doit faire 50 minutes. Donc, c'est des morceaux qui sont très très courts, ça va à l'essentiel. C'est rock, ça joue fort, ça braille un peu, juste comme il faut, et moi, ça me plaît bien. Et pour toi, donc, quel album tu aimes dans les années 90? Eh ben, l'opposé intégral, si je devais en mettre un en disant ça, c'est moi, c'est Night Music de Joe Jackson de 1994. Mm-hmm. Y a pas que moi qui le dis, qui est, je pense, vraiment son meilleur album, qui est moitié chanté et moitié instrumental, et c'est une suite de nocturnes, donc c'est vraiment de la musique douce. Un truc à écouter le soir avec un bon verre de Saint-Julien, et ça me va tout à fait. Tranquille pépère. Exactement, tranquille pépère. Mais c'est vraiment un très très beau disque. Mm-hmm. Alors, pour conclure, si tu étais un boys band des années 90, la question qui pue sa mère. La question qui pue sa mère, et donc je triche, puisque je ne prends pas un boys band, mais un girls band, et je dégaine les Spice Girls. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Pourquoi les Spice Girls? Parce que, en fait, ça m'est venu pareil comme une évidence, parce que j'ai cherché plein de boys bands français, je me suis dit lequel je vais prendre, je sais pas, et là je me suis dit, tout ce qu'on a essayé de faire en France, avec les boys bands, les Anglais nous ont montré, bon, voilà, c'est simple, au lieu de prendre des mecs, prenez des meufs, et ça vendra dans le monde. Et donc les mecs, voilà, ils ont fait leur girls band, et alors le pire, c'est que au niveau mélodique, je trouve que c'est quand même vachement bien foutu. Et c'est là où les Anglais, ils ont beaucoup à nous apprendre sur la musique aussi. À part une chanson, celle que tout le monde connaît, je sais même pas si j'en connais une deuxième en fait. Et donc, si tu étais un boys band de ton côté? Oh bah, le choix est absolument tout trouvé. Ça serait les Top Boys. Les... Ça sort d'où ça? Est-ce que moi, en groupe parodique, je connais que Charlie et Lulu? Mais c'est ça, c'est Charlie et Lulu. Ah, c'est Charlie et Lulu, le feu ça brûle, c'était et l'eau ça mouille. C'est les Top Boys, j'ai même le CD de titre et l'album, et effectivement. Ils ont fait un album complet. Absolument. C'est beau. Donc voilà, donc c'est le groupe de Charlie et Lulu, le feu ça brûle. Et l'eau ça mouille. Et l'eau ça mouille, naturellement. Donc voilà, s'il y en avait un... ce serait celui-là. Si je devais faire un boys band, un jour dans la vie, je ferais Top Boy. C'est un bel objectif. Voilà. Chacun les siens, celui-là me va bien. Bon, donc on a fini avec ce petit portrait chinois qui nous a, mine de rien, appris beaucoup sur toi. Et inversement. Et vice-versa. Ouais, moi. Et réciproquement. Oui. On passe à ton premier choix ? Exactement. J'ai sélectionné pour ce premier album un disque de 1990 du groupe Soul to Soul. L'album, c'est volume 2, 1990 A New Decade. Et l'extrait que j'ai choisi, c'est Our Time Has Now Come. Et on va mettre ça tout de suite. 1, 2. I just came over here to London to cool out with my man Jazzy B and the Soul of Soul Posse. I go by the name of Fab Five Freddy. I got something I want to say. Check it out. Lay your cards on the table. Place your bets. I'll lay your odds. This is something that you haven't heard yet. It's fine, divine, like a vintage wine. Best of all, yes, y'all. It's genuine. It's the sound of Soul of Soul. Time to create this rhyme. Words of inspiration drew me time after time. I was flowing, going on and on. Inducing motivation, no one made me strong. Donc c'était Our Time Has Now Come de Soul to Soul, donc de l'album volume 2, 1990, A New Decade. Donc pour ceux qui avaient oublié, Soul to Soul c'est un groupe britannique formé en 88, qu'on connaît surtout pour le titre Back to Life en 89. Là c'est le deuxième album qu'ils font, et j'ai découvert le titre et le groupe à l'époque sur Radio Nova. C'est à peu près la dernière époque de ma vie où j'écoutais pas mal la radio et j'étais branché à fond sur Nova. Et j'avais découvert ce titre que vraiment j'ai passé en boucle, en boucle, en boucle. On est alors complètement dans de l'acid jazz comme j'aime. On a un peu de soul, un peu de jazz, un peu de hip-hop. Jamais rien de violence, toujours très groovy, très soul pour le coup, comme le nom l'indique. Avec des vrais compos, on va dire, c'est pas juste un empilement de samples pour faire une musique à partir d'un truc qui a déjà été un succès. Il y a vraiment du boulot de compos derrière. L'album est, je trouve, assez varié. Il y a des chansons, il y a du rap, il y a des instrumentaux, dont un excellent que j'aime beaucoup qui s'appelle Courtney Blows, avec le saxophoniste Courtney Pine qui joue dessus. J'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que pour moi c'est un des tout meilleurs albums de la décennie, rien de moins. Waouh, carrément. Carrément, voilà. J'ai essayé de faire une sélection avec des albums qui sont vraiment des grosses références. Alors, il se trouve que je l'ai retrouvé en vinyle il n'y a pas très très longtemps. Je l'avais en CD depuis longtemps, mais je l'ai trouvé en vinyle en broc, donc d'une pierre deux coups. Donc, je sais pas si tu le connaissais ou pas. Si, Soul to Soul, je connaissais évidemment pour le single Back to Life dont tu as parlé. Mais je connaissais pas cet album du tout. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon album, comme tu l'as dit. Donc, vraiment bien, bien construit au niveau de l'ambiance musicale. C'est, tu sens, bah, comme tu l'as dit, hein, que c'est pas un empilement de samples. Ce qui se faisait beaucoup à l'époque où, bah, voilà, hein, c'était à la limite, les DJ étaient un petit peu plus prédominants. Je trouve que ça joue vraiment bien. Et c'est vraiment le genre de bon album. C'est pas le préféré dans la sélection que tu as choisi, mais il me plaît vraiment bien. C'est vraiment pour moi un très très bon album qui représente bien le bon rap des années 90. Enfin, ça a été moi ma porte d'entrée sur ce type de musique. Une musique un peu urbaine. Ouais, voilà, voilà. Alors, votre première sélection, cher monsieur. J'ai choisi de vous parler de l'album Grace de Jeff Buckley qui est sorti en 94, et en extrait, on va s'écouter Dream Brother. There's a child sleeping in his tent. Pictures go wild in a rush of wind. That dark angel he is suffering, watching over them with his black feather wings unfurled. The love you lost with the skin so fair. Her green eyes bloom goodbyes with her head in her hands and your kiss on the lips of another. On vient d'écouter Dream Brother, donc de Jeff Buckley. Alors maintenant je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisi. Entre guillemets, c'est très technique, mais les compositions qui faisaient, entre guillemets, l'écrin de la voix sont vraiment bien faites. C'est lui qui compose ses morceaux, il a un style de guitare qui est vraiment fin. À mon avis, c'est pas tartiné de solo, donc c'est vraiment comme j'aime. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi cet album, parce que c'est pour moi la quintessence même du chanteur qui a une belle voix, qui est technique, mais qui ne chante pas de la soupe, parce qu'à l'époque, dans les années 90, on nous bassinait avec des gens qui chantaient très très bien, souvent des femmes qui criaient très fort. C'est pas faux. On nous disait, bah, elle pourrait chanter le bottin, ça serait bien. Bah ouais, mais elle est pas obligée de le faire. Il y a des gens qui chantent très bien, qui chantent des très belles chansons, et pour moi, cet album, c'est vraiment ce qui représente ça, c'est-à-dire quelqu'un qui a une très bonne technique vocale et qui la met au service de très bonnes chansons. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé, puisqu'il est décédé assez rapidement après son album, et ça me permet d'enquiller un petit peu sur un aspect qui, moi, me plaît pas du tout. Depuis qu'il est mort, il y a eu 7 ou 8 disques qui sont sortis. Alors, on sort un ou deux lives pour faire du fanservice, moi ça me va, hein, parce que j'ai acheté, parce que ça amène un petit peu quelque chose en plus, mais quand on est à 7 ou 8 disques, là, faut arrêter, quoi. Quand tu recommences à ressortir les vieilles démos du mec, je trouve que ça va un petit peu loin. Il y a déjà bouclé sous sa douche, quoi. Ouais, c'est pas ça, mais enfin, c'est pas bon, quoi. Et toi, Wiz, qu'est-ce que t'en as pensé de cet album ? L'album, je me souviens très bien de quand il est sorti. Mm-hmm. Mais à l'heure, très très bien. Ça m'avait d'ailleurs particulièrement gavé. Il y avait comme une espèce de gros consensus sur le fait que Grace était genre le meilleur album qu'on ait jamais sorti depuis l'invention du fa dièse. Tu pouvais jeter les Beatles, tu pouvais jeter... Il n'y avait jamais rien eu de mieux. Et j'ai relu encore des articles là-dessus qui laissaient quand même entendre que c'était le meilleur album du monde, de l'univers. Comme. J'avais essayé de l'écouter, ça m'avait passablement barbé. Pas dire franchement gonflé. Ta sélection, ça m'a donné l'occasion de réécouter l'album, donc 23 ans après. Et alors, j'ai un avis beaucoup moins violent dessus. C'est quand même nettement moins désagréable que le souvenir que j'en avais gardé. Il y a même pour le coup deux titres, en l'occurrence le Dream Brother que t'as sélectionné et Grace, que je trouve vraiment pas mal. Point noir ultime sur Alléluia, c'est impossible, je peux pas, c'est un repoussoir absolu, cette chanson elle a tellement été reprise, gros problème, déchirée, violée, reviolée, je te prends, je te retourne contre le mur. Ah ouais. Moi c'est Leonard Cohen ou rien. Je peux pas. Alors, c'est pas possible. Moi, j'aime bien sa version, mais je reproche exactement la même chose que toi, c'est-à-dire qu'elle a été surexploitée. On s'en sert pour te vendre de la lessive, des couches, on te la met dans Shrek. Alors, pour le reste, écoute, finalement, après quelques années de maturation, c'est quand même pas mal. Je l'ai écouté 2-3 fois, mais c'est typiquement le genre d'album qu'il me faudrait écouter beaucoup plus que 2-3 fois pour avoir un vrai avis et dire si vraiment j'aime pas. Mm-hmm. Il y a des albums comme ça, j'arrive pas à me fixer. Pour ça, au moins, je peux reconnaître le truc, c'est qu'il est quand même extrêmement complexe, on va dire. Il y a vraiment beaucoup de densité dans cet album, donc c'est pour ça que je vais avoir du mal à être définitif dessus. Mm-hmm. Je trouve quand même toujours que c'est très légèrement surévalué. Je pense que c'est un peu surfait, voilà. D'accord. Alors, je case maintenant. Monsieur Twix n'est pas avec nous, mais en fait, il est avec nous quand même. Donc, il nous a préparé aussi une sélection qu'on va présenter à tour de rôle. Et attention, il nous a quand même ce qui s'appelle gâté. Oui. Et je commence avec le qui nous gâte le plus. Ce cher monsieur nous a choisi The Album d'un chanteur qui s'appelle Hadaway. Un album de 1993. Et naturellement, il a choisi le titre What is Love? Donc c'était What is Love de Hadaway from The Album de 1993. Alors ce que Monsieur Twix nous a écrit, le single a rencontré un grand succès à travers le monde, se classant numéro 1 dans 13 pays différents, 11e aux États-Unis dans le Billboard, Hot 100 et 12e en Australie. Pourquoi ce titre ? Honnêtement, je déteste la dance. Nous en avions déjà parlé avec le Sieur Wiz, c'est moi, dans le CB sur l'Italo-Disco, et je trouve ce mouvement musical épouvantable. Et là, je case à titre personnel. Désolé, Yetcha. Mais What is Love, c'est les 90s. Tout le monde connaît ce titre et les paroles. Enfin, pas moi, mais... Tout le monde connaît le refrain, quoi. C'est ça. Je ne rate jamais un moment pour dégainer un petit What is Love pour motiver mes convives à venir danser sur le dance floor de mon salon. Et comment ne pas évoquer Hadaway sans évoquer Jim Carrey et son cultissime sketch dans le Saturday Night Live sous la musique de What is Love. un titre tellement culte que j'ai demandé à Wiz, c'est moi-même, de recomposer notre générique de 90s le podcast à la Hadaway. Je suppose que tu n'as rien à ajouter ? Non. Si ce n'est que effectivement je connais le single puisque c'est passé à la radio, mais je dois t'avouer que l'album, je suis pas entré dedans. Je suis vachement étonné. Alors on passe à ton deuxième choix. Je vais mettre un truc que pour le coup va te convenir, je suppose, un poil plus que Hadaway. Même Mika était étonné, mais si. J'ai choisi Iron Maiden avec l'album X Factor de 95 et mon extrait c'est le titre Look for the Truth. Look for the Truth de Iron Maiden dans X Factor de 95. Alors l'album en lui-même, il est plus sombre qu'à l'habitude, c'est plus mélancolique, et un aspect qui m'a vraiment beaucoup marqué quand j'ai entendu l'album la première fois, il est plus prog d'une certaine manière. Parce qu'il y a des morceaux qui sont quand même vachement longs, il y a 71 minutes d'album, il n'y a que 11 titres, c'est une bonne moyenne. Ouais, et moi, pour mes petites oreilles, je trouve que malgré tout, il n'y a pas de longueur. Alors peut-être que tu ne seras pas dedans, mais moi, je trouve que l'album, il coule sans qu'il y ait une note de trop. Et vraiment, c'est un disque qui m'a vraiment beaucoup marqué. À l'époque, je connaissais un petit peu, pas beaucoup. J'avais accroché avec l'album de 88, Seventh Son of a Seventh Son. Et là, c'est le deuxième que je me suis pris dans la tête. Et même si je ne suis absolument pas un hardeux, je trouve que c'est un disque très, très bon. Et la petite anecdote désespérante, je l'avais donc acheté en CD, j'avais acheté l'import japonais, que j'avais payé une fortune. Les yeux de la tête ? Les yeux de la tête, hein, et je m'étais muni de mon petit exemplaire, et je m'étais rendu à la FNAC des Halles, parce qu'il y avait un showcase de Iron Maiden avec une séance de dédicace. Je m'étais fait dédicacer l'album par tous les membres du groupe, et ce disque, on me l'a piqué. C'est pas moi. Je sais pas si toi c'est, enfin, je suppose que c'est plus ton type de musique, mais si t'aimes le groupe, l'album, ce que ça t'a fait, si tu le connaissais ou pas. Moi je dis, il était temps, parce que en fait, j'avais jamais écouté un album de Maiden. J'avais en connaissance très très vague de ce qu'il faisait, j'avais jamais eu la curiosité d'aller prendre un album et de l'écouter. Je connaissais le nom de Bruce Dickinson, parce qu'il est quand même connu dans le milieu, etc. Et en fait, c'est le premier album que j'ai écouté du début jusqu'à la fin. Et je regrette vachement de l'avoir pas fait avant. Je suis vraiment passé à côté de 2-3 gros trucs pour des raisons un peu stupides, hein. C'est-à-dire quand t'es ado, que tu vois tout le monde avec des t-shirts Maiden, tu te dis ouais, j'ai pas envie d'être comme tous les autres, donc tu te prives un petit peu de choses, on va dire. Et Maiden, ça en faisait partie. J'avais en tête que c'était du bourrin un peu bas du front. Un peu comme les t-shirts avec des têtes d'aigle pour les fans de Johnny. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai écouté l'album, je me suis dit waouh, wow, c'est bizarre que Wiz il ait choisi ça. Et en fait, bah, c'est typiquement de la musique comme moi j'aime bien, parce qu'en fait, ça va vite, c'est péchu, il y a de l'énergie, mais c'est pas du bourrin pour être bourrin. Je trouve que c'est bien fait. Tu vois, je découvre Maiden à 40 piges et moi ça me plaît bien. Alors le titre que j'ai retenu c'est plus Judgment of Heaven, mais ouais, comme tu l'as dit, l'album il est vraiment bien construit, il est bien posé et on est bien loin des a priori que je pouvais avoir sur ce genre de groupe. Le hard c'est pas mon truc de base, il faut vraiment qu'il y ait plein de choses qui soient en place pour que je rentre bien dedans et pour que ça me parle, mais eux ça me parle quoi, vraiment. Je trouve que c'est des albums de bonne qualité et recherchés, effectivement c'est pas juste on va taper et on va faire monter les amplis à donf pour démonter les oreilles. Ouais, c'est clair, ça tient bien la route. J'y trouve. Ouais. Alors, que nous as-tu choisi pour la suite ? Alors, pour la suite, on reste en Angleterre avec Supergrass, l'album I Shoot Coco et l'extrait Caught by the Fuzz. Donc on vient d'écouter Caught by the Fuzz qui est sur l'album I Shoot Coco de Supergrass. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce disque ? Eh bien parce que. Déjà, parce que pour moi, les 90s, c'est la Britpop. Donc Blur, Oasis, etc., etc. Tout plein d'albums dans ce style-là, dont Supergrass. Et pourquoi j'ai sorti Supergrass ? Parce que, en fait, c'est un album qui fait partie des quelques CD que j'ai achetés avec ma première paye, ma vraie première paye, c'est-à-dire celle où tu vas bosser, pas ton argent de poche ou les petits sous que t'as eu pour ton anniversaire. Non, c'est quand t'as ton premier chèque de paye, tu vas le poser à la banque, tu rentres chez un disquaire, et là, c'est open bar. Donc je suis ressorti avec pas mal de disques, dont on parlera aussi plus tard dans l'émission, mais aussi plus tard dans Manche Disque, dont Supergrass, parce que moi je suis rentré à la Libre de Lu, au rayon disque, et voilà, bah, je suis tombé là-dessus, je l'ai écouté, et j'ai vraiment adoré le côté énergique de la chose, le côté un peu gamin. Ils ont des bonnes bouilles d'anglais, le titre All Right, ça sent la plage, c'est fun, c'est frais, enfin j'adore, c'est toujours un grand plaisir de retrouver... CD, de le poser, ça file la banane et ça commence un peu comme un Ramones avec 1, 2, 3, 4 et ça part. Moi c'est vraiment un album que j'aime bien et qui en plus a été repris sur la BO si je me trompe pas de Hot Fuzz, un film que j'aime bien, évidemment qui parle de flics, mais voilà, moi c'est un album vraiment qui a une grosse valeur affective et que j'aime bien réécouter n'importe quand en fait, c'est assez global. Est-ce que toi tu connaissais déjà ? Alors je ne connaissais pas l'album. Je connaissais All Right. Ouais, je connaissais que ce titre-là, mais j'avais pas écouté l'album. Je sais pas, il devait y avoir quelque chose qui me disait n'y va pas. Ça va pas forcément le faire. Ouais. Parce que par contre, j'aime beaucoup Supergrass, hein. Mmh. Mais j'ai du mal à faire le lien. J'ai du mal à imaginer que le groupe qui a fait ce disque-là est le même groupe qui a fait un disque pour le coup que j'aime, mais vraiment beaucoup beaucoup, qui est Road to Rouen. Ah oui, 2005, oui. En 2005, dès la première note. Enfin vraiment, c'est un disque fabuleux et on est tellement à l'opposé d'une certaine manière du premier album. 10 ans plus tard. C'est ça. Bah, ils ont pris un petit peu de bouteille. Oui. Là, on sent qu'ils ont du mal un peu à contrôler les poussées de testostérone. Oh bah c'est typique du premier album Grand Bruiton. C'est ça. Tu mets tout et bam, et puis voilà. Il y a plein de bons trucs. Hein. Moi, alors, effectivement, je connaissais All Right. Mm. J'aime bien Man Size Rooster que je connaissais pas. Vraiment, c'est plein de bonnes mélodies et tout. Je trouve juste qu'il est un petit peu plat, quoi. Voilà. C'est pas très varié. Ouais. Et surtout, quand on compare à ce qu'ils ont fait, donc effectivement, après... l'album de 2005 ou l'album de 99 avec un titre comme Moving que j'adore. Ouais. C'est très imparfait par rapport au reste. Donc j'aime beaucoup le groupe, mais on va dire que c'est l'album que je vais le moins apprécier. Ouais. Voilà, mais ils sont très bons hein, sur le principe. Sur le principe. Mais ils sont meilleurs, ils sont bien meilleurs après quoi. Voilà, ils sont meilleurs, un peu plus vieux comme nous quoi. C'est ça, ils se sont bien bonifiés. J'ai perdu mes petits souris, dites ma chère petite amie, est-ce que vous savez bien chercher où elles ont pu se cacher? Les petits souris. Alors c'est après, bah, on te laisse le crachoir, mais j'en profite quand même pour annoncer le truc parce qu'on a beaucoup rigolé hier en discutant avec Mika justement de sa sélection et il a sélectionné un album d'un groupe qui s'appelle, alors je ne savais pas d'ailleurs qu'il fallait prononcer Sepultura. À la Garchimor donc, Sepultura. Mais oui, j'ai fait mon tour de carte avec les chouris, tac et tac tac, et ça marche. Donc je te laisse en parler parce que c'est tellement pas mon type de musique que tu le feras beaucoup mieux. Alors oui, donc Mika nous a choisi Sepultura ou Sepultura de l'album Chaos AD qui est paru en 1993 et le titre Refuse Resist. Chaos AD takes all the streets, controlled police, bleeding the flames, raging crawl, burning cars, blood starts, oh we are lost. Bien d'écouter Refuse Resist de Sepultura, extrait de l'album Chaos AD. Alors Sepultura, littéralement, bah, c'est le tombeau en portugais. Et pourquoi en portugais ? Puisque nos amis sont brésiliens. Ils se sont formés en 84. À l'origine de cette formation, donc il y a deux frères, Max et Igor Cavalera. Donc Max Cavalera, il est quand même très très connu à cette époque-là pour sa belle voix mélodieuse. Je ne le dirais pas forcément comme ça, ah, si, mais bon. Si, pour du métal, c'est mélodieux. Mais alors, ils montent le groupe donc quand ils sont assez jeunes, on va dire adolescents, 15 et 14 ans. Et bah, ils sont affectés forcément comme tous les adolescents qui peuvent, par la mort de leur père à ce moment-là, et décident de créer donc le groupe le même jour, suite à l'écoute de l'album de Black Sabbath, volume 4. Concernant le titre Refuse Resist, j'avais un ami qui tentait et qui a réussi à me convaincre que le métal, ce n'est pas que du bruit. Mais j'avais vraiment pris le titre en pleine tronche quand j'ai vu la vidéo de promotion de Manga Video. Je suis toujours, encore aujourd'hui, ultra fan de cet album et Roots le suivra. Alors, pour donner mon avis sur Sepultura, déjà, le CD 3 titres Roots Bloody Roots, je l'ai à la maison, avec une version live de Refuse Resist, je l'ai dans les mains. Alors, effectivement, nos amis brésiliens sont quand même très très forts, très très musclés, et moi je les ai vus en concert aux Eurocans de Belfort, je sais plus exactement en quelle année, ils étaient passés en fin d'après-midi, donc quand un groupe comme ça passait à Belfort, il faut voir que t'as, on va dire, plus de la moitié du public qui a un t-shirt Sepultura, qui a des cheveux longs jusqu'au bas du dos, alors tu laisses ces gens-là gentiment devant, toi tu te mets derrière, sinon ça va pas bien se passer, effectivement, c'est très très fort, c'est très puissant, mais moi j'avais franchement bien aimé le concert, même si à l'époque je connaissais pas le groupe, franchement ça m'avait bien bien scotché, hein. Parce que quand tu passes de Sepultura à Beck, ça fait une sacrée transition quand même, mais c'était un grand moment du festival quand même. Je sais pas si tu connais Wiz Sepultura. Sepultura ? Sepultura ? Je savais ce que c'était, on va dire musicalement. Ça me fait l'effet, tu vois, typiquement de Didier. Je sais pas si tu vois à peu près le film dans le détail. Oui. Toutes options politiques mises à part. Il y a cette séquence où il y a les skins qui sont en voiture et qui écoutent un truc. Mets la 2, ouais, mets la 3. C'est ça, et ça, ouais, c'est la meilleure de l'album. Et effectivement, je peux écouter n'importe quoi d'eux, ça me fait exactement cet effet-là. Quoi. Ouais, c'est la meilleure de l'album. Je ne vois aucune putain de différence. Pour moi, ça n'est que du bruit, justement, mais en plus, même pas du bruit agréable. Quoi. Mm-hmm. Je préfère encore me taper un album de Xenakis, et pourtant, Dieu sait que pour les nerfs, c'est difficile. Donc non. Non. Définitivement non. Oh, bah, on passe à ton troisième choix, alors, qui, pour le coup, contraste aussi. Hein. C'est l'album Paniac de Billy the Kick et j'ai sélectionné la chanson Le Marchand de Bonbons. Écoutez cette histoire, elle se passe autour de la cité où il y a un endroit, on l'appelle la cité Spector. Le marchand de bonbons qui existe dans l'imagination. Donc alors c'était Le Marchand de Bonbons de Billy the Kick, titre de 1996. Alors je triche un peu parce que l'album je l'ai pas acheté ou racheté récemment, je l'ai depuis 20 piges, enfin voilà. Je l'avais acheté d'occasion, hein, cela dit, mais voilà, je l'ai pas acheté récemment. Donc c'est le seul album de Nathalie Cousin, donc alias Billy the Kick, sans Les Gamins en Folie. Les Gamins en Folie, c'est Mangez-moi, Mangez-moi, Mangez-moi, pour ceux qui n'ont pas oublié. Et à titre personnel, pour le coup, moi, c'est le seul album que je trouve écoutable. Parce que alors celui d'avant et celui d'après, ça me gonfle. Mais d'une force. Mais vraiment, quoi. D'ailleurs, pour le coup, j'étais tellement éclaté par Paniac que quand celui d'après est sorti, de nouveau avec Les Gamins en Folie, je l'ai acheté et je l'ai donné au premier venu après l'avoir écouté une fois parce que ça m'a gonflé, mais au-delà de tout, quoi. Mais alors, ce disque-là, en lui-même, je le trouve géantissime. Il est drôle, ça part un peu dans tous les sens, il y a plein de références rigolotes tout le long de l'album. Les textes m'éclatent. Musicalement, je trouve que ça se tient bien. Je trouve que c'est un disque qui est vraiment très drôle et qui est toujours pertinent et que j'écoute toujours avec beaucoup de plaisir. Voilà pour ma part. Est-ce que tu l'avais déjà écouté ? Non, moi je l'avais pas écouté, mais par contre j'ai beaucoup à dire sur l'album, parce que déjà c'est le prolongement des Gamins en Folie, et les Gamins en Folie, moi j'avais adoré cet album-là, et je l'avais découvert à la radio, donc par l'intermédiaire d'une émission que j'écoutais et que j'adorais, c'était Super Nana qui passait sur Skyrock très très tard le soir, elle passait beaucoup de groupes comme les Satellites, Billy the Kick, les VRP, et donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Alors la première chose qui m'a vraiment frappé, c'était le son de guitare sur cet album-là, et je me suis dit, c'est un son que je reconnais. Et en fait, c'est Mathieu Chédid qui joue un petit peu de guitare. Eh ben, je savais pas, tu vois, j'étais pas allé fouiller plus que ça dans le contenu. Tu te dis, bah, c'est quand même fort, puisque le mec, il avait pas encore sorti d'album solo. Et il avait déjà un son qui le caractérise, qui fait que, bah, tu l'as entendu peut-être un peu trop à certaines époques, mais tu l'identifies toujours. Et ça veut dire que le mec, avant même qu'il ait démarré sa carrière solo, il avait sa touche. Donc oui, l'album, moi je trouve qu'il y a des bons morceaux, des bonnes idées, et c'est un excellent album de mon point de vue. Moi je le connaissais pas, comme je t'ai dit, je connaissais plus le premier album avec Les Gamins en Folie, et je trouve que c'est bien construit. Mais je crois que c'est surtout ça qui m'a vraiment accroché sur ce disque-là, c'est que d'un seul coup, il y a toutes les idées, que le truc est vraiment bien produit, bien mis en place, alors que, en fait, plus l'album d'avant et l'album d'après, on a l'impression que c'est une bande de potes qui vont se faire une soirée chouchène, qui foutent le magnéto dans le fond et qui chantent un peu n'importe quoi, un peu n'importe comment, quoi. Ouais. Là, pour le coup, on a l'impression qu'elle s'est mise en studio, qu'elle s'est dit, je vais faire un bon disque, et c'est ce qu'elle a fait, elle a fait un bon disque. Ouais, ouais, ça tient bien la route, hein, quand même. Pour moi, en tout cas, tout ce qui manque sur les autres, parce que n'étant pas chichonneur devant l'éternel, OCB, OCB, bon, bah, ça va 5 minutes, quoi, ça m'éclate très moyennement. Ouais, mais c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, mais voilà, bon, c'est, j'ai vraiment pas accroché de la même manière. Celui-là, ouais, celui-là, j'y retourne encore très régulièrement. Voilà. Ok. Alors, tu nous as sélectionné un très bon disque après, ouais, il me semble. Oui. L'album de Pulp, Different Class, et on va s'écouter Disco 2001. D'écouter Disco 2000 de Pulp sur l'album Different Class. Donc ça fait partie aussi des albums que j'ai achetés, donc avec ma première paye, hein, donc c'est toujours Britpop, mais pour le coup c'est quand même beaucoup plus raffiné et beaucoup plus construit. Alors j'adore la manière dont les morceaux sont faits et la manière de chanter de Jarvis Cocker. On en a parlé au précédent manche disque. Jarvis Cocker, pour moi, ça serait un petit peu Morrissey, mais qui ferait ça bien. C'est-à-dire Morrissey va un petit peu trop loin dans le côté maniéré, etc., etc. Jarvis Cocker, il sait s'arrêter au bon moment et il a su bien placer le curseur sur ce point de vue-là dans sa manière de chanter et surtout dans sa manière de produire les disques. Ah ouais, il est juste dandy, quoi, juste comme il faut. Voilà, il est juste comme il faut. Il va pas trop loin pour qu'on se foute de sa gueule. Il est au top, bien sur ses cannes. Alors après, les thèmes abordés, ça représente une Angleterre pour le coup un peu moins fun que celle de Supergrass. Pulp voit le monde d'une manière, à mon avis, un peu plus mature. Après, je pense qu'il y a une différence d'âge entre les deux groupes à l'époque. Dis donc oui, parce qu'ils sont loin d'être à leur premier album. Hein. Non, non, c'est clair, c'est déjà un groupe qui a déjà un peu de bagage. Hein. Ouais, ça doit bien faire presque 10 ans que ça existe, ouais, j'imagine, ouais, à l'époque. C'est ça. On arrive à un disque qui est beaucoup moins brut et beaucoup moins premier degré. Et les synthés, pour le coup, c'est bien comme j'aime. C'est-à-dire, il y en a, mais il y en a pas trop. Et c'est vraiment comme il faut. C'est-à-dire, ça vient amener quelque chose en plus au morceau. Et on est dans un groupe aussi qui est plus fourni, qui est plus grand et qui fait vraiment de la très très belle musique. C'est vraiment ce que je retiens de cet album-là. C'est que chaque morceau est vraiment très très bien construit et tout est bien amené, en fait. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas si tu connaissais. Je pense que tu connaissais. Alors bah je connaissais, je vais commencer par l'anecdote. Je l'ai acheté à l'époque, je me suis muni de mon petit exemplaire et je suis allé à feu la Fnac Italien pour le faire dédicacer par le groupe. Mais t'as fait toutes les Fnac, hein, c'est pas possible. J'ai fait toutes les Fnac, mais pendant un temps, bah à l'époque où j'étais à la fac, pour le coup, d'ailleurs de la fac j'ai surtout retenu la Fnac. T'as rajouté un N. Mon emploi du temps était organisé en fonction des showcases qu'il y avait à la Fnac, hein, sincèrement, ouais. Ma vie tournait autour de ça. La grosse différence c'est qu'avec le Pulp, celui-là je me le suis pas fait chourer et je l'ai toujours. C'est un album génial et je suis pas loin de penser que ça pourrait bien être le meilleur album de Britpop de la décennie. On a beaucoup parlé de Britpop pendant quelques années. Je ressortirai le même argument un petit peu plus bas dans l'épisode. On a tendance à dire le disco, on en sortait des caisses. La Britpop, c'était pareil. Hein. Il y en avait trois caisses qui sortaient tous les matins. Il y avait quand même beaucoup de trucs qui étaient très très médiocres. Il y avait des albums qui étaient excellents. On a fait beaucoup de battages sur Oasis. Moi, Oasis me gonfle royalement. Blur, je les adore. Et j'ai adoré Parklife en particulier, qu'on considère un peu comme le grand de pop de la décennie, je trouve que ça fait de l'ombre injustement à Different Class, et je me demande si c'est pas quand même encore un cran au-dessus, et je le trouve vraiment parfait à tout point de vue. Alors moi j'ai un gros kiff sur I Spy en termes de titre, et Feeling Cold Love. Feeling Cold Love est vraiment top. Il a une manière de chanter aussi très en retenue, et puis qui explose à un moment. Voilà, j'aime énormément ce disque, c'est vraiment un très très très bon disque de la décennie encore. Il n'était pas dans ma sélection de base, mais j'aurais vraiment pu le mettre tellement je l'ai écouté. C'est pour moi, c'est des beaux bijoux de Britpop, comme seuls les Anglais savent le faire. Je confirme. On passe à la prochaine sélection de Mika ? Ah bah alors là, pour le coup, je retrouve mon Mika, qui nous a sélectionné l'album Portishead Roseland New York City Live de 98. Et à l'intérieur de ce disque-là, il nous a sélectionné le titre Sour Times. C'était Sour Times de Portishead sur l'album Roseland New York City Live. Alors, le texte de Mika. Le groupe se forme en 1991 lorsque Geoff Barrow rencontre la chanteuse Beth Gibbons. Ils forment un duo dont le nom désigne le lieu de naissance de Geoff Barrow, la ville côtière de Portishead dans le Somerset, à 20 km à l'ouest de Bristol. L'orientation musicale de Barrow est liée à ses différentes expériences en studio. Il a notamment travaillé en tant qu'assistant au studio d'enregistrement Coach House Studio durant l'enregistrement de l'album Blue Lines de Massive Attack. Sa technique de production non conventionnelle à l'époque se base sur des enregistrements bruts qu'il enrichit avec des effets et des échantillons. L'album Roseland New York City Live, principalement enregistré au Roseland Ballroom de New York avec un orchestre de 35 musiciens, est sorti en 1998 et permet de voir que le groupe prend toute sa dimension sur scène. Alors, le petit mot vraiment perso, les 90s sont pour moi l'apogée d'un courant musical appelé trip-hop. Je pense à des Massive Attack, Archive, Morcheeba, entre autres, mais je trouve que Portishead sort quand même du lot. Pourquoi ? Parce que Beth Gibbons a une voix hors du commun. On est toujours à la limite du chant de faux, on attend presque le moment où sa voix va dérailler, ce qui, fort heureusement, n'arrive jamais. Pour en revenir à Roseland New York City Live, je suis ultra fan de cet album. Je l'avais acheté à l'époque en CD, mais une promo à la Fnac m'a permis de l'acquérir à 10€ en double vinyle. Avant même de connaître cet album live, j'avais eu la chance de les découvrir sur scène et j'avais été particulièrement scotché par la réinterprétation du titre Sour Time. C'est donc la version live qui prend toute son ampleur vers la fin du morceau que je vous propose. Donc c'est l'extrait qu'on a passé. Alors donc je retrouve bien mon Mika parce que quand je l'ai connu, il ne vivait, il ne respirait, il ne mangeait que trip-hop. Moi je suis que ponctuellement client. Quand on n'est pas dans le truc, on a toujours tendance à considérer que les trucs se répètent beaucoup. Donc je trouve que ça se répète beaucoup, donc je vais picorer, on va dire. Je vais pas être... À fond dedans. Par contre, alors, complètement à l'opposé du ressenti de Mika, moi je trouve que ça perd absolument tout intérêt en live. Pour moi, c'est vraiment une musique de studio. C'est vraiment quelque chose qui est construit, qui est peaufiné, c'est de l'artisanat, on va dire. Et honnêtement, je trouve le live absolument inintéressant et les 35 musiciens, je les entends pas. Enfin, je trouve que c'est très plat. Ça perd tout, je trouve. Moi, je réécouterais l'album studio avec plaisir, mais alors le live, je le passe direct. Voilà. Et pour vous ? Moi, je connais pas spécialement cet album-là. En trip-hop, j'étais beaucoup plus branché Morcheeba et Massive Attack. Portishead, je trouve que ça avait un côté un petit peu trop... Torturé ? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Mais moins fort que torturé, mais voilà, j'étais plus proche d'un groupe comme Morcheeba qui amenait un petit peu plus de... C'est un peu plus festif. Ouais, c'était un peu plus de couleurs, un petit peu plus léger. Je les avais vus en concert, Morcheeba, et c'était vraiment top. Mais j'ai jamais vu Portishead. Moi, ça me plaît bien à écouter, hein, mais... me sens plus proche de Mortiba. D'accord, ça arrive. Oui, oui. On passe à ton choix. Je continue sur du français, yes, avec un groupe qui s'appelle Malka Family, l'album Malka on the Beach de 91. Et pour le coup, l'extrait, c'est toujours Malka on the Beach. C'était Malka on the Beach de Malka Family, 1991. Donc pour la petite bio rapide, c'est un groupe de funk français créé en 1988, après avoir été à l'origine des soirées chez Roger, boîte funk, avec la complicité de Radio Nova. Et on commence, c'est d'ailleurs sur Nova que j'ai découvert le groupe et le fameux titre qu'on vient d'écouter. Mmh. Ça a été là encore une grosse claque, parce que je trouve ça drôle, fun, naturellement super groovy, ouais, extrêmement efficace, limite addictif. Enfin, c'est un disque que j'ai pu écouter en boucle un certain nombre de fois. C'est plein de good vibrations, mm-hmm, comme on pourrait dire. Et j'ai découvert en plus sur Wiki que la section cuivre du groupe a accompagné rien de moins que George Clinton sur scène. Donc c'est un peu the carte de visite ultime. Genre, ah oui, mieux, c'est pas possible. Le groupe s'est fait récupérer, comme beaucoup à l'époque, par une major, donc en l'occurrence Warner, mm-hmm, pour son deuxième album, qui est très bon aussi. Ils sont repartis très très vite en indépendant. Ouais, dans le circuit, ouais. Enfin, le dernier disque qui est sorti date de 97. On attend toujours le nouveau. Ils ont fait une petite réapparition en 2015 dans l'émission Nova Club, où ils ont présenté un nouveau titre qui s'appelle Minou Minou. Donc l'émission est toujours écoutable sur le site de Nova, mm-hmm, donc je conseille. Et c'était en présentation d'un futur album qui à ce jour, me semble-t-il, n'est toujours pas sorti, mais j'espère qu'il va arriver. Donc je ne sais pas si tu connaissais, et voilà, et l'effet que ça t'a fait si tu connaissais pas. Bah, moi je connaissais de nom, puisque j'en ai beaucoup entendu parler autour de Ceux qui marchent debout, parce que ça devait graviter dans la même sphère très funk française de cette période-là. Mm-hmm. Moi j'ai vraiment bien aimé. C'est du très très bon funk, comme j'aime, avec des bons cuivres. J'en avais entendu parler, comme je t'ai dit, en référence à Ceux qui marchent debout. Et je trouve qu'il y a une petite filiation entre les deux formations, même si je connais pas plus que ça Malka Family, mais moi ça me plaît vraiment bien. Le seul reproche, c'est la batterie qui boite à rythme. Ça fait parfois un peu cheap. C'est le seul côté vraiment un petit peu dommage que j'ai noté. Mais sinon, il y a vraiment de très très bons morceaux. Bah, comme t'as dit, quand tu vas accompagner Clinton, bon, bah, c'est que ça tourne bien. Hein. Moi, ça tient. Ouais, ouais, ça tient bien. Ça roule tout seul. Hein. Les mecs sont sur des rails, c'est super bien ficelé. Moi, j'ai ressorti comme morceau donc Let's Swim Into Deep Jam et Dit, mm-hmm, qui sont deux morceaux que j'aime bien sur cet album. Le tout début de Dit, ça fait un peu comme du Michel Fugain, un petit peu. Ouais, mais c'est... Enfin... Il y a un côté Big Bazaar, ouais, tu dis, tiens, c'est marrant, c'est super chelou, et... mais ouais, c'est super... Moi, je connaissais pas, puisque j'ai découvert quand t'as choisi ce disque-là, et moi, ça m'a vraiment bien bien plu. Hein. C'était un bon moment d'écoute. Alors, on continue avec de la France. Oui. Alors, on continue avec Thomas Fersen, son album 4, qui est sorti en 99, et son extrait, c'est Marie Déguérite. Chaque jour à la caserne, je trace un petit bâton à la craie sur la cloison, en attendant un jour de perme pour pas mourir à la tâche. Dans ma vareuse pistache, je cache mon existence dans les lieux d'aisance. Et dans ce repli du monde, ma pensée vagabonde, avec une marguerite, j'attends Marie Déguérite. Donc c'est le morceau Marie Déguérite de Thomas Fersen sur son album 4. Alors il y a une grande, grande, grande histoire sur ce CD et avec cet artiste en particulier. Alors déjà, pourquoi Thomas Fersen ? Parce que ça c'est pareil, c'est aussi une histoire de Fnac. On va se raconter beaucoup d'histoires de Fnac ce soir. Moi, je traînais aussi pas mal à la Fnac, mais à Dijon, il n'y en a qu'une. Donc, tu cours pas les showcases, mais quand il y en a un, tu veux pas le louper. Oui, ça, j'imagine. Et donc, il y avait Thomas Fersen qui venait pour son troisième album, Le Jour du Poisson, si je me trompe pas. Il venait à la Fnac Dijon, et donc, je me grouille sortir des cours pour aller donc au showcase. Le problème, c'est que quand j'arrive, c'est déjà blindé, et je suis, entre guillemets, à l'encabrure de porte, quoi. Donc, tu vois le mec qui sort de cours avec son cartable sur le dos et tout, un peu tâton quoi, et qui passe la tête par la porte pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe dedans. Et donc le mec arrive, il s'installe au piano, et puis avant de commencer il regarde et il dit hey, les jeunes là qui sont sur la porte là, plutôt que de rester debout, venez vous asseoir au pied du piano. Et donc on a fait terrible. Et donc si tu veux, donc au début tu te retrouves un petit peu comme un bonnet, tu te dis mais qu'est-ce que tu fais, et puis tu vas t'asseoir au pied du piano et tu passes 45 minutes au pied du mec à le regarder jouer, chanter avec aussi des musiciens qui l'accompagnent. Vu que c'était un showcase, c'était assez restreint comme formation, mais c'était vraiment pour moi un de mes meilleurs souvenirs musicaux, un meilleur souvenir de concert, j'aurais tendance à dire. Voilà, donc ça c'était pour vous raconter un petit peu la petite histoire, mon petit lien avec Thomas Fersen. Et après, pourquoi cet album? C'était aussi une autre histoire un petit peu singulière, puisque j'étais à l'armée à cette époque-là. Et donc Mas Bravo, il sort l'album 4 pendant que je suis au service militaire, donc je l'achète. Et il y a une chanson qui s'appelle Marie des Guérites, qui parle d'un mec qui est à l'armée et qui fait le planton devant la caserne. Donc ça m'a forcément tapé à l'oreille. Et bon, cet album, moi je l'adore, je l'ai acheté à l'époque et je continue de l'écouter de manière assez régulière. Je l'ai dans un format long box, il y a des belles photos dedans, et moi c'est mon petit lien avec Thomas Fersen. Est-ce que tu connais déjà? Je pense que tu connais. Thomas Fersen, en fait, je ne connaissais que le fameux Bal des Oiseaux, ouais. Et c'est tout. Oh, c'est un peu court, jeune homme. Je me suis mis tranquillement sur Deezer, et puis j'ai mis l'album. Et alors là, tu m'as fait très très peur. Ah ouais? Pourquoi? Parce que la première chanson, je sais pas ce qui lui prend, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il faut systématiquement que, dès que c'est marqué chanson française, faut que ça soit un mec qui chante avec une couille dans un grille-pain? Il y a un côté, mais... Ah, pas plaisante du tout sur cette première chanson. D'accord. Et d'un seul coup, le truc s'est déclic et après ça devient génial. Et j'étais halluciné d'avoir loupé ça parce que c'est vraiment excellent. C'est de la très bonne chanson française, c'est super bien écrit, les textes sont excellentissimes. Je trouve qu'il y a un mélange de plein d'influences très diverses, que j'ai retrouvé un peu du Paul Naref version Baldélas dans un titre comme Monsieur. Ah oui, Monsieur, il est parfait. Ouais. Ça, c'est un peu le même type d'ambiance. Je trouve qu'il y a quelque chose un petit peu de Brel parfois, de loin. Il y a du Bourvil dans certains trucs. Et à la limite, la référence qui, je trouve, colle le mieux à la majorité des titres, c'est Dick Engard. Et j'aime beaucoup Dick Engard, enfin surtout les trucs qu'il a fait dans les années 70. Et il y a une vraie filiation avec ces chansons-là. Ouais. Et c'est délicat, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. C'est vraiment très très bien foutu. J'adore ce qu'il fait, j'adore sa personnalité. C'est vraiment adorable ce qu'il fait. Bah, ça m'a donné envie d'écouter le reste. Ouais. Donc là, j'ai pas trop eu le temps, mais je vais m'y mettre tranquillement parce que voilà, ça donne envie d'en écouter davantage. Ouais, genre petite touche. Ouais. Les premiers sont vraiment super. Alors, je te laisse le quatrième album sélectionné par Monsieur Mikado. On ressort un petit peu les grosses guitares avec le titre Black Olsen de Soundgarden, extrait de l'album Super Unknown de 94. Won't you come wash away the rain, black old sun? Won't you come? Won't you come? Won't you come? Donc on vient d'écouter Black Olsen de Soundgarden, extrait de Super Unknown. Alors Soundgarden connaît son plus grand succès en 94 avec cet album, donc Super Unknown, qui débute à la première place des classements du Billboard, suivi par les singles Black Olsen et Spoonman, qui remportent 2 Grammy Awards. Alors, un groupe de grunge, puisque je pense qu'on peut les classer dans le grunge, qui gagne des Grammy Awards, c'est quand même quelque chose. Je sais pas, c'était tellement à la mode à l'époque. Ouais, mais bon, de là aller aux Grammy, c'est quand même un petit peu... Et donc en 97, le groupe se sépare pour différents artistiques. Je crois que c'était pas mal à la mode quand même, de se séparer pour différents artistiques. Oui, c'est ça, que je vais faire une scission avec moi-même. Non, méchant. Donc l'album fut sans conteste le plus gros succès commercial et critique de Soundgarden, tant aux États-Unis que dans le reste du monde, débuta à la première place du Billboard 200 et atteignit des hautes positions dans les charts du monde entier. En 2003, l'album fut classé 336e dans la liste des 500 plus grands albums de tous les temps du magazine Rolling Stone, 38e dans la liste des 100 plus grands albums des années 90, toujours selon Rolling Stone. 5e dans la liste des albums à guitare du magazine Guitar World en 94 et premier dans la liste de courses. J'adore le timbre de voix du chanteur Chris Cornell, je l'ai musicalement suivi notamment avec des groupes comme Audioslave. Alors, est-ce que tu connais Soundgarden? Mazette, le titre, je le connais. Bah oui, déjà entendu plus d'une fois. Tu ne peux pas connaître. Alors, je connaissais le titre est excellent. Par contre, le reste de l'album, c'est next. Hein. Mais voilà, c'est pas mon rayon, le Grinch, c'est pas ma cam du tout. Mais j'avoue que au milieu d'un album qui, franchement, me branche pas du tout, il y a un titre qui est très, très, très efficace. Quoi. Vraiment, ça me plaît bien. Je m'en souvenais plus. Enfin, ça faisait vraiment une éternité que je l'avais pas entendu. Ouais. Et à la limite, c'est un truc que je pourrais mettre dans une mixtape parce que voilà, c'est bien. Ça passe tout seul. Oui, franchement. Mm-hmm. Et toi? Alors. Non, toi, c'est ta cam à donf. Moi, j'aime bien, mais effectivement, c'est pas un album des années 90 que j'aurais sorti du lot. Il est bon, j'aime bien, mais j'y retourne quand même assez rarement. Bon, j'y suis retourné avec plaisir, parce que c'est, comme tu dis, c'est un style que j'aime bien écouter, donc ça m'a fait plaisir de le réécouter. Mais sans plus. Mais ça reste quand même une valeur sûre hein, de ce style. Hein. De toute façon, tu prends Nirvana, Soundgarden et Pearl Jam. Bon, là, t'es bien, hein. Il paraît. Coquin. C'est ça. Bon, alors on va passer à ton prochain choix. C'est ça, là on passe au 9, hein, 9 rééditions. J'ai sélectionné, donc dans les rééditions, le premier album de The Orb, qui s'appelle The Orb's Adventures Beyond the Ultra World, qui est de 91. En l'occurrence, je le mets dans les 9 parce que j'ai acheté la réédition Deluxe 3 CD il n'y a pas très longtemps. Et le titre sélectionné, c'est Little Fluffy Clouds. C'était Little Fluffy Clouds de The Orb de 1991. Alors je casse tout de suite, c'est mon dernier grand disque chef-d'œuvre de référence absolue. Oula vache, carrément. Carrément, je suis absolument dinguissime de ce disque, je le trouve vraiment fabuleux à tout point de vue. Alors je l'avais acheté à l'époque au Printemps Nation où j'avais mes habitudes. Et il y avait ce disque, je savais pas ce que c'était, la pochette m'intriguait et ça fait partie eh ben, des disques, comme je te disais la dernière fois, que j'ai acheté sur la pochette. Et j'ai craqué et quand je l'ai mis, extase absolue. Un mélange de Pink Floyd et de krautrock un peu improbable pour l'époque. Pink Floyd, bon, on voit la référence sur la pochette avec la fameuse Battersea Power Plant. Mm-hmm. Hein, et ils sont tellement inspirés de Pink Floyd pour le coup qu'ils vont même faire des années après un album avec David Gilmour. Et c'est ma découverte de l'ambient house. L'album est très long, hein, c'est un double album, il dure 1h50. Il n'y a que 10 titres, c'est des longues plages. C'est très atmosphérique, c'est blindé de petits samples un petit peu à droite à gauche, relativement improbable pour la plupart. Il y a des extraits de films, il y a des extraits de musique de films, des bruits de la NASA. Il y a même une utilisation complètement what the fuck du titre Loving You de Minnie Riperton à la fin de l'album. Faut aimer les choses un petit peu atmosphériques, faut aimer les titres de 35 minutes, mais quand on aime ça, on n'est pas déçu, on a sa cam. Oui, c'est clair. C'est moins pour toi, je pense. Alors oui, c'est un peu moins pour moi, j'ai coincé un petit peu comme un cycliste dans le groupe Eto en manque de PO. Hein. C'est-à-dire que je suis entré dedans, j'ai écouté, ça m'a pas attrapé, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans le disque en fait. J'ai trouvé que c'était trop plat, Et tu vois, le truc, c'est que ça a pas titillé la curiosité, c'est-à-dire que je voyais pas du tout où il voulait aller, donc bof, j'ai pas trop compris la démarche derrière. Alors effectivement, c'est très planant, mais j'ai pas trouvé beaucoup de saveur à tout ça. Je suis pas ultra étonné, mais c'est vraiment le prolongement, on va dire, de ce qui se faisait dans les années 70. Mmh. En particulier, je trouve qu'il y avait naturellement une grosse parenté avec Pink Floyd sur certains aspects, ouais, mais beaucoup plus avec l'électronique allemande, et que j'aime beaucoup aussi pour le coup, et qui peut sortir des morceaux qui durent même pas une phase de disque, mais un album complet, c'est un titre. Le mec qui n'aime pas va considérer, comme dans le sketch de François Pérusse, qu'il y a un mec qui est endormi sur un clavier et que de temps en temps il se retourne et que ça change de note. Ouais, c'est ça. Voilà, putain, je me fais l'avocat du diable, mais j'aime beaucoup ce genre de musique. C'est les seuls moments où je regrette de pas fumer de shit, de pas prendre de substances, de... Parce que je suis sûr qu'avec des pilules, ça doit être fabuleux comme musique. Ça doit prendre une autre dimension. Ça doit prendre encore une autre dimension. Et voilà, c'est le plus près de la drogue que je me rapproche, en fait. Voilà. C'est à peu près. On est d'accord. C'est à peu près ça. Alors, on va passer à la suite. Alors, je sais pas trop comment l'amener, mais on va s'écouter Taki Walki de El Blazic Rock Band Himself, extrait de l'album The Quirky Lost Tape. Quand je vois une belle fille, je prends mon taki, taki walki. Et il me dit, chérie, toi aussi prends ton taki, taki walki. Et alors je déplie, je déplie mon entrée, taki walki. Et alors on se dit, je t'aime, taki walki. Car c'est le taxi, c'est le qui, c'est le taxi walkie. Oui, c'est le taxi, c'est le qui, c'est le taxi walkie. C'était Talkie Walkie de El Blazic Rock Band Himself, extrait de The Quirky Lost Tape. Alors c'est une réédition qui est parue l'année dernière, donc en 2016. Je l'ai découvert par l'intermédiaire de Rebecca Manzoni qui fait sa chronique tous les matins sur France Inter. Alors c'est un vinyle qui est sorti chez Born Bad Records, un label de la région parisienne qui aime bien aller chercher des trucs un petit peu improbables. Et pour le coup, on est vraiment bien au niveau de l'improbable parce que ça date des années 90. Et notre ami El Blazic faisait de la musique tout seul. Alors pour définir ça, c'est un petit peu compliqué. Je pense que Talkie Walkie, c'est un bon échantillon pour se rendre compte jusqu'où le mec peut aller. Mais si vous avez l'occasion, si vous avez 10 heures ou un truc qui traîne, allez écouter l'album, c'est vraiment génial pour toutes les trouvailles d'El Blazic. C'est un mec qui faisait de la musique tout seul dans son coin, donc c'est vraiment temporel, ça vient direct des années 60. Je dirais que c'est un vrai ovni. Ça n'a pas d'âge, c'est complètement décalé. On peut pas dire que ce soit un grand disque ou du grand art, mais c'est quand même vachement bien trouvé. C'est bourré de second degré, c'est vachement détaché par rapport à ce qu'on peut écouter à la radio en ce moment. Et pour passer un bon moment en musique, c'est vraiment le genre de vinyle que j'aime bien poser. Hein. Tous les morceaux ont un côté très drôle, ce qui fait qu'à l'écoute, tout ça, ça donne quelque chose de vraiment atypique. Alors, je sais pas ce que t'en as pensé. Si, tu sais très bien ce que j'en ai pensé de mon côté. Je sais très bien. Ça a été une épiphanie, je dirais presque. Hein. Ouais. Comme je pourrais dire, un des disques les plus whiz que j'ai entendu depuis une grosse, grosse tranche. Ouais. Honnêtement, à l'écoute, ça m'a fait l'effet d'une espèce de rencontre entre Jean-Yann, Audiard et le professeur Choron. Un espèce de truc comme ça, sur fond de rockab, lo-fi, complètement bricolé à la maison, complètement garage. Le titre en plus, Taki Waki, je trouve que ça sonne presque comme un titre des Residents, dans le côté un peu dissonant sur les bords. Enfin, c'est presque du Residents Made in France. J'ai juste adoré. C'est méchant, c'est méchamment drôle. Mais pourquoi est-il aussi méchant? C'est cradingue, c'est tout ce que j'aime. Et j'ai une grosse mention spéciale pour la chanson, enfin la reprise. Elle est horrible. Elle est horrible. Je crois que celle-là, je l'écoute presque tous les matins pour me filer la pêche, quoi. Cette fille-là, mon vieux, horrible. Elle est horrible. Ah, c'est absolument géantissime. Alors, il y aurait énormément à dire. Le mec, comme je l'ai dit, il a fait ça tout seul. C'était dans les années 90, il n'y avait plus personne qui pressait de vinyle, donc il l'a fait faire en République tchèque. Et le patron de Born Bad se dit, si je monte un label, c'est pour sortir des trucs comme ça, donc il faut que je retrouve le mec. Et il l'a retrouvé et il lui a dit, est-ce que t'as encore des vinyles donc pour pouvoir le rééditer? Et donc, si t'en as, on va rééditer tout ça. Et donc, El Blazic lui dit, attends, pour la phase B, j'ai des titres en plus. Le mec va dans sa cave rechercher ses vieilles bandes pour faire un album complet. et c'est incompréhensible de retrouver des disques qui sortent encore de cette manière-là de nos jours. On est bien loin de ce qu'on nous sert dans les grandes radios, on va dire. Il y a de plus en plus de petites maisons comme ça qui vont aller piocher, très à la japonaise en fait, parce qu'avant c'était surtout les japonais qui allaient chercher des vinyles pressés en 3 exemplaires, des trucs complètement inconnus, que tout le monde avait oublié, et ça arrive bien maintenant en France, avec des maisons qui vont ressortir des choses dont personne ne se souvient, que personne ne connaît pour le coup, et des petits trésors comme ça de fond de cave, ça permet au moins d'être rassuré sur le fait que dans les années 90, non, il n'y avait pas Clara et Fabien. Non, c'est beau. Enfin, vraiment, ce disque m'a vraiment éclaté. D'accord, on passe à ton dernier choix, alors, le hors-sujet. Je ne parlerai pas d'un disque, mais de 17. Allez prendre un café, hein. Voilà. Non. À demain. À demain, pour le deuxième épisode. Alors, comme il y a 17 albums, fatalement, ça a été dur de faire un choix. J'ai quand même choisi le titre Maybe an Angel, c'est une version acoustique de Evernova. I put my hands where your wings should be. Ooh, yeah. And I can't see very far. And when you said that you were dead, I hung on. Something c'était Maybe an Angel de Evernova, version acoustique. Alors, un petit blabla rapide. Volume, c'était un journal, en fait, qui est paru entre 1991 et 1997. Il y a eu 17 volumes, 2 volumes, et c'était un journal qui sortait au format CD, avec plein de pages, c'était difficile à lire en fait, parce que c'était tout petit, et donc avec un CD à chaque fois, qui faisait un petit peu le panorama de globalement la musique anglaise, hein. Donc ça faisait un petit peu le meilleur de la pop, de l'électro, du rock, du rap, et la rédaction essayait systématiquement de publier sur ces disques-là des remixes, des versions alternatives, des versions live, des versions acoustiques, des inédits, des titres en exclu du prochain album. Enfin voilà, logiquement, ce qu'on trouvait dans ce disque-là, on le trouvait nulle part ailleurs. Et c'est vraiment plein de bons titres. Alors, fatalement, il y en a pour tous les goûts. Il y a des trucs calmes, il y a des trucs qui font du bruit. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ça brosse, je trouve, un bon patchwork de ce qu'était la musique dans ces années-là. Et voilà, donc les disques, on les trouve encore. Donc, pas forcément trop cher. Je peux mettre au moins le lien dans le billet sur la page Discogs qui liste un peu les albums. Une espèce d'anthologie de la musique des années 90. Et c'était un bon truc. Vraiment, c'était chouette comme série. Voilà. Toi, tu connaissais, t'en avais un. Oui, exactement, c'est celui des Reading Festival pour édition de 95. Donc Reading, pour moi, c'est un festival qui est assez mythique. Hein. En 95, j'ai 19 ans. Je pouvais pas y aller parce que c'est en Angleterre. Il y avait toujours des volumes qui traînaient à la Fnac. Et là, effectivement, c'était pas si cher. C'était un double CD, tu retournes. Il y a effectivement que des new releases, donc ça, c'est vraiment bien. Parce qu'il y avait aussi en France des magazines qui faisaient des éditions augmentées avec des CD, mais c'était en général les versions identiques à celles du disque, donc ça fait un petit sampler, donc ça te donne une idée de ce qui va sortir bientôt, mais sans plus. Là, pour le coup, c'est que des morceaux nouveaux, et donc moi j'ai le volume 14 qui est vraiment super pour divers aspects, notamment une reprise de Sugar Sugar de Drugstore, qui est vraiment catchy pour le coup. Et il y a un morceau d'Izernova, My Fidelity, donc qui est enregistré en concert. Ça m'a vraiment poussé à découvrir cet artiste, à tel point que par la suite, j'ai acheté pas mal de ses albums, j'ai vraiment bien aimé ce qu'elle a fait dans sa carrière. Et en fait, la démarche de volume, comme tu l'as dit, c'est un magazine au format CD, donc c'est des petits bouts d'interviews, des petites anecdotes, comment j'ai enregistré mon album, blablabla. C'est franchement pas mal, et comme tu dis, ça couvre un très très large panorama de la production musicale en Angleterre de cette époque, et c'est vraiment bien. J'en avais noté quelques-uns. Tu retrouves du Björk, du The Orb encore, Radiohead, Pulp, Skunk Anansi, Ultra World, Tricky, Primal Scream, Cocteau Twins, Les Shaman. Il y a tout. N'en jetez plus, quoi. Ils sont tous là. Ils sont tous, c'est clair. C'était vraiment de belles compiles. Voilà. Alors, on arrive à ton dernier disque. Oui, alors, c'est pour mon dernier disque, j'ai choisi les Nets Atomic Dustbin avec l'album 0.522. Et on va écouter Kill Your Remix. She said, "Don't know the shit because she's never been back." her father's favorite chair. C'était Kill Your Remix des Nets Atomic Dustbin. Alors, pourquoi cet album? Déjà, c'est un album compile de ce qu'ils ont fait, à savoir, c'est pas un best-of, mais c'est que des remixes. C'est un album patchwork par excellence, hein. C'est déjà un groupe atypique dans sa construction, puisqu'il y a deux bassistes. Pour moi, c'est typiquement un album défouloir, il y a tout dedans, il y a de la très grosse guitare, il y a du remix dance, mais bon, ça pue un peu la dance des années 90. Il y a même une reprise de Saturday Night en ouverture que perso, je trouve pas mal. Et elle est vraiment bien reprise, bien remise au goût du jour, et j'aime bien cette version. Alors on est d'accord, c'est pas l'album du siècle, ça c'est clair, mais ça représente bien mes années 90. Musicalement, ça part dans tous les sens, et c'est pareil, je l'avais trouvé en médiathèque, copié en cassette. Je l'ai un peu perdu, et je suis retombé dessus sur Amazon il y a 2 ans. Alors je dois te dire que pour le trouver en réédition, ça a été quand même un petit peu mission impossible, parce que j'ai toujours recherché cet album. Et je pense que le mec qui me l'a vendu, il devait être bien content de trouver un gogo pour lui acheter. S'il y avait un disque de la honte, ce serait bien celui-là, parce que je peux comprendre qu'un mec qui pose ses oreilles là-dessus, il se dit c'est pas possible. Pour te donner un peu l'éventail, quand je mets Paul pas à la maison, donc ma femme me dit ah ouais, j'aime bien les chansons, par contre dès que je mets celui-là, c'est éjecté direct du lecteur CD, c'est pas possible, c'est mon truc à moi et je pense que c'est que à moi. Alors tu sais, c'est pas que à toi, parce que le disque je l'ai aussi. D'accord, on est deux donc. Je suis incapable de dire pourquoi je l'avais acheté. C'est pas impossible que ça fasse partie là aussi de la série des disques que j'avais acheté pour la pochette, parce qu'elle est rigolote. Ce qui est sûr, c'est que je l'avais acheté chez Boulinier dans le quartier latin à probablement 10 francs. Ouais, ça m'étonne pas, ouais, maxi 10 balles. Maximum, j'étais resté sur Saturday Night, que je trouve très bien. Oui. Après le reste, c'est pas que c'est mauvais. Je me suis surpris, parce que c'est pareil, c'est un truc que j'avais pas écouté depuis des lustres. Mmh. Je me suis surpris à écouter les morceaux en entier. Et je me suis dit, oh, finalement, c'est pas si pire. C'est juste que je trouve que ça manque un poil de personnalité. Et comme je disais pour la Britpop, des trucs comme ça, avec une grosse tapisserie de guitare à donf, et cette espèce de rythme de batterie toujours le même. Il en sortait 500 par jour, quoi. Ouais, mais moi, c'est celui-là que j'aimais. Ça se débitait en tranches avec la même régularité que de l'Eurodance, quoi. Mais néanmoins, j'ai quand même le disque. Et néanmoins, il y a quand même quelques titres que bah, je trouve pas si inécoutables que ça. Ouais. Mais on va d'abord mettre du bruit. Et puis ensuite, on va l'habiller, ouais. On va essayer de voir ce qu'on met dedans. C'est ça, quoi. On fout le manteau. Et puis après, on se dit, merde, faut que je mette un slip. Bah, c'est ça. On va essayer de lui mettre un costume pour faire en sorte qu'il soit moins moche. Je trouve que ça résume bien cet album. Parce que en fait c'est ça, quand je disais patchwork, en fait c'est ce que je voulais dire, t'as trouvé la bonne expression, c'est pas un patchwork, en fait tu mets ton fut et après tu te dis merde, j'ai pas de slip, quoi. Donc voilà, c'était le mot de presque la fin. Et donc en titre bonus, on va s'écouter le générique 90s le podcast, composé par Monsieur Wiz. Il cartonne ton générique. Donc ça sera sur cette gentille attention de Monsieur Mikado Twix, qui n'est pas parmi nous mais à qui on pense très fort, que nous allons nous quitter. Voilà, je te remercie de nous avoir fait partager ta sélection du mois. Merci à toi, Wiz. Comme d'habitude, nous vous donnons rendez-vous dans les autres programmes de It Is le podcast. Et puis voilà, quoi, on va se quitter sur... Allez, je peux pas résister au plaisir, là non plus, de vous mettre un petit extrait du dernier titre de Malka Famini, donc Minou Minou. Pour clore, c'est pas du tout années 90, pour le coup, c'est de 2015, mais voilà, c'est bien quand même. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Merci encore, Monsieur Murdoch. Merci à toi, à très bientôt, à vous, à plus. Ciao. Ciao.